Ils l'ont senti, tous coups et on les a dessins, tous coups déchirés, sans déchirer. Ils ne savaient personne du autre. Ils ont généré un moyen de subsistance et un milieu pour là. La passion est débordée. Ils étaient en effet dans le encre. Ils s'étaient en effet dans son sang. La nuit devient humide, le sentiment déborda. De fatigue, ils ont vacillé, déplacé, ils sont revenus à battre. Le temps qu'il avait était ensemble, certains déjà en vie, d'autres une nuit de passion. Ils l'ont senti, de ce coup, on l'a de sang, son instinct, sa sensation les pressillant. Les regards se sont rencontrés, le couloir les a donné. Ceux qui ont réjoui pour la vie et le sang en tant que témoin. Ceux qui ont réjoui une nuit, les plaisirs et le sang pour les mêmes. De ce coup déchiré, sans déchirer. Il ne savait personne d'autre. La passion est débordée. Il était homme et femme dans le encre. Il était homme et femme dans son sang. Les cavaliers.